De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Contes cruels, Le plus beau dîner du monde. Xanthus, le maître d'Ésope, déclara sur la suggestion du fabuliste que s'il avait parié qu'il boirait la mer, il n'avait point parié de boire les fleuves qui entrent dedans, pour me servir de l'aimable français de nos traducteurs universitaires. Certes, une telle échappatoire était fort avisée, mais l'esprit de progrès aidant, ne saurions-nous en trouver aujourd'hui d'équivalente, de tout aussi ingénieuse? Par exemple, retirer au préalable les poissons qui ne sont point compris dans la gageure, filtrer, défalcation faite de ces derniers, la chose ira de soi. Ou mieux encore, j'ai parié que je boirai la mer, bien, mais pas d'un seul trait. Le sage doit ne jamais précipiter ses actions. Je bois lentement. Ce sera donc simplement une goutte, n'est-ce pas? Chaque année. Bref, il est peu d'engagement qu'on ne puisse tenir d'une certaine façon, et cette façon pourrait être qualifiée de philosophique. Le plus beau dîner du monde. Telles furent les expressions dont se servit formellement Maître Percenoix, l'ange de l'amphithéose, pour définir d'une façon positive le repas qu'il se proposait d'offrir aux notabilités de la petite ville de D, où son étude florissait depuis 30 ans et plus. Oui, ce fut au cercle, le dos au feu, les basques de son habit sous les bras, les mains dans les poches, les épaules tendues et effacées, les yeux au ciel, les sourcils relevés, les lunettes d'or sur les plis de son front, la toque en arrière, la jambe droite repliée sur la gauche et la pointe de son soulier verni touchant à peine à terre, qu'il prononça ces paroles. Elles furent soigneusement notées en la mémoire de son vieux rival, Maître Le Castelier, l'ange du parafernal, lequel, assis en face de Maître Percenoix, le considérait d'un œil venimeux à l'abri d'un vaste abat-jou vert. Entre ces deux collègues, c'était une guerre sourde depuis le lointain des âges. Le repas devenait le champ de bataille longuement étudié par Maître Percenoix et proposé par lui pour en finir. Aussi Maître Le Castelier, forçant à sourire l'acier terni de sa face de couteau poignard, ne répondit-il rien sur le moment. Il se sentait attaqué. C'était l'aîné. Il laissait Percenoix, son cadet, parler et s'engager comme une petite folle. Sûr de lui, mais prudent, il voulait, avant d'accepter la lutte, se rendre un compte méticuleux des positions et des forces de l'ennemi. Dès le lendemain, toute la petite ville de D fut en rumeur. On se demandait quel serait le menu du dîner. Évoquant des sauces oubliées, le receveur particulier se perdait en conjectures. Le sous-préfet calculait et prophétisait des suprêmes de phénix servis sur leurs cendres. Des phénicoptères inconnus voltaient dans ses rêves. Il citait Apicius. Le conseil municipal relisait Pétrone, le critiquait. Les notables disaient « il faut attendre et calmer un peu l'effervescence générale ». Tous les invités, sur l'avis du sous-préfet, prirent des amers 8 jours à l'avance. Enfin, le grand jour arriva. La maison de Maître Percenoix était sise près des promenades à une portée de fusil de celle de son rival. Dès 4 heures du soir, une haie s'était formée devant la porte sur 2 rangs pour voir venir les convives. Au coup de 6 heures, on les signala. L'on s'était rencontré aux promenades comme par hasard et l'on arrivait ensemble. Il y avait d'abord le sous-préfet donnant le bras à Madame Le Castelier, puis le receveur particulier et le directeur de la poste. Puis 3 personnes d'une haute influence, puis le docteur donnant le bras au banquier, puis une célébrité, l'introducteur du phylloxéra en France, puis le proviseur du lycée et quelques propriétaires fonciers. Maître Le Castelier fermait la marche, prisant parfois d'un air méditatif. Ces messieurs étaient en habit noir, en cravate blanche et montraient une fleur à leur boutonnière. Madame Le Castelier, maigre, était en robe de soie couleur souris qui trotte, un peu montante. Arrivés devant le portail et à l'aspect des panonceaux qui brillaient des feux du couchant, les convives se retournèrent vers l'horizon magique. Les arbres lointains s'illuminaient, les oiseaux s'apaisaient dans les vergers voisins. Quel sublime spectacle ! S'écria l'introducteur du phylloxéra en embrassant du regard l'Occident. Cette opinion fut partagée par les convives qui humèrent un instant les beautés de la nature, comme pour en dorer le dîner. L'on entra, chacun retint son pas dans le vestibule, par dignité. Enfin, les battants de la salle à manger s'ouvrirent. Percenoix, qui était veuf, s'y tenait seul, debout, affable. D'un air à la fois modeste et vainqueur, il fit le geste circulaire de prendre place. De petits papiers portant le nom des convives étaient placés comme des aigrettes sur les serviettes pliées en forme de mitre. Madame Le Castelier compta les convives, espérant que l'on serait 13 à table. L'on était 17. Ces préliminaires terminés, le repas commença, d'abord silencieux. On sentait que les convives se recueillaient et prenaient, comme on dit, leur élan. La salle était haute, agréable, bien éclairée, tout était bien servi. Le dîner était simple. 2 potages, 3 entrées, 3 rôtis, 3 entremets, des vins irréprochables, une demi-douzaine de plats divers, puis le dessert. Mais tout était exquis. De sorte que, en y réfléchissant, le dîner, eut égard aux convives et à leur nature, était précisément pour eux le plus beau dîner du monde. Autre chose eût été de la fantaisie, de l'ostentation, eût choqué. Un dîner différent eût peut-être été qualifié d'atelane, eût éveillé des idées d'inconvenance, d'orgie, et Madame Le Castelier se fût levée. Le plus beau dîner du monde n'est-il pas celui qui est à la pleine satisfaction du goût de ses convives? Percenoix triomphait. Chacun le félicitait avec chaleur. Soudain, après avoir pris le café, Maître Le Castelier, que tout le monde regardait et plaignait sincèrement, se leva, froid, austère, et, avec lenteur, prononça ces paroles au milieu d'un silence de mort. « J'en donnerai un plus beau l'année prochaine. » Puis, saluant, il sortit avec sa femme. Maître Percenoix s'était levé, il calma par son air digne l'inexprimable agitation des convives et le brouhaha qui s'était produit après le départ des Le Castelier. De toutes parts, les questions se croisaient. Comment ferait-il pour en donner un plus beau l'année prochaine, puisque celui de Maître Percenoix est le plus beau dîner du monde, Projet absurde, équivoque, inqualifiable, non avenu, risible, puéril, indigne d'un homme de sens. La passion l'avait emporté, l'âge peut-être. On rit beaucoup. L'introducteur du phylloxéra qui, pendant le festin, avait fait des mamours à Madame Le Castelier, ne tarissait pas en épigramme. Oh, oh, en vérité, un plus beau, et comment cela? Oui, comment cela? La chose était des plus gaies. Il ne tarissait pas. Maître Percenoix se tenait les côtes. Cet incident termina joyeusement le banquet. Portant au nu l'amphitryon, les convives, bras dessus, bras dessous, s'élancèrent à la débandade hors de la maison, précédés des lanternes de leurs domestiques. Ils n'en pouvaient plus de rire devant l'idée saugrenue, présomptueuse même, et qui ne pouvait se discuter de vouloir donner un plus beau dîner que le plus beau dîner du monde. Ils passèrent ainsi, fantastiques et hilares, dans la haie qui les avait attendus à la porte pour avoir des nouvelles, puis chacun rentra chez soi. Maître Le Castelier eut une indigestion épouvantable. On craignit pour ses jours. Et Percenoix, qui ne voulait pas la mort du pêcheur, et qui, d'ailleurs, espérait encore jouir l'année suivante du fiasco que ferait nécessairement son collègue envoyé quotidiennement prendre le bulletin de santé du digne tabellion. Ce bulletin fut inséré dans la feuille départementale, car tout le monde s'intéressait aux paris imprudents. On ne parlait que du dîner. Les convives ne s'abordaient qu'en échangeant des mots à voix basse. C'était grave, très grave, l'honneur de l'endroit était en jeu. Pendant toute l'année, Maître Le Castelier se déroba aux questions. 8 jours avant l'anniversaire, ses invitations furent lancées. 2 heures après la tournée matinale du facteur, ce fut un branle-bas extraordinaire de la ville. Le sous-préfet crut immédiatement de son devoir de renouveler la tournée des amers par esprit d'équité. Quand vint le soir du grand jour, les cœurs battaient. Ainsi que l'année précédente, les convives se rencontrèrent aux promenades comme par hasard. L'avant-garde fut signalée à l'horizon par les cris de la haie enthousiaste. Et le même ciel empourprait à l'occident la ligne des beaux arbres, lesquels étaient de magnifiques pieds de hêtre appartenant par précipité hors part à Maître Percenoix. Les convives admirèrent tout cela de nouveau, puis l'on rentra chez monsieur et madame le Castelier et l'on pénétra dans la salle à manger. Une fois assis après les cérémonies, les convives, en parcourant le menu d'un œil sévère, s'aperçurent, avec une stupeur menaçante, que c'était le même dîner. Était-il mystifié? À cette idée, le sous-préfet fronça le sourcil et fit en lui-même ses réserves. Chacun baissa les yeux, ne voulant point, par ce sentiment de courtoisie, de tact parfait qui distingue les personnes de province, laisser éprouver à l'amphitryon et à sa femme l'impression du profond mépris que l'on ressentait pour eux. Percenoix ne cherchait même pas à dissimuler la joie du triomphe qu'il crut désormais assuré. Et l'on déplia les serviettes. Ô surprise! Chacun trouvait sur son assiette quoi? Ce qu'on appelle un jeton de présence, une pièce de 20 francs. Instantanément, comme si une bonne fée eût donné un coup de baguette, il y eut une sorte de passée muscade générale et tous les jaunets disparurent dans l'enchantement d'une rapidité inconnue. Seul l'introducteur du phylloxéra, préoccupé d'un madrigal, n'aperçut le Napoléon de son assiette qu'un bon moment après les autres. Il eut là un retard. Aussi d'un air gauche, embarrassé, avec un sourire d'enfant, murmura-t-il du côté de sa voisine quelques vagues paroles qui sonnèrent comme une petite sérénade. « Oh ! Suis-je étourdi ? Quelle inadvertance ! J'ai failli faire tomber, maudite poche ! Cependant, c'est celle qui a introduit en France. On perd souvent, faute de précaution. L'on met son argent dans un gousset par mégarde, puis, au moindre faux mouvement, en déployant sa serviette, par exemple, vlan, crac, bing, bonsoir. Madame le Castelier sourit en fine mouche. Distraction des grands esprits, dit-elle. Ne sont-ce pas les beaux yeux qu'il cause, répondit galamment le célèbre savant en remettant dans sa poche de montre avec une négligence enjouée la belle pièce d'or qu'il avait failli perdre. Les femmes comprennent tout ce qui est délicatesse et, tenant compte de l'intention qu'avait eue l'introducteur du phylloxéra, madame le Castelier lui fit la gracieuseté de rougir 2 ou 3 fois pendant le dîner alors que le savant, se penchant vers elle, lui parlait à voix basse. « Paix, monsieur redoubté, murmurait-elle. » Percenoix, en vraie tête de linotte, ne s'était aperçu de rien et n'avait rien eu. Il jasait en ce moment-là comme une pie borgne et s'écoutait lui-même les yeux au plafond. Le dîner fut brillant. La politique des cabinets de l'Europe y fut analysée. Le sous-préfet dut même regarder silencieusement plusieurs fois les 3 personnes d'une haute influence et celles-ci, pour lesquelles la diplomatie n'avait dès longtemps plus d'arcane, détournèrent les chiens par une volée de calembours qui firent l'effet de pétards. Et la joie des convives fut à son comble quand on servit le nougat qui représentait, comme l'année précédente, la petite ville de D elle-même. Vers les 9 heures de la soirée, chaque invité, en remuant discrètement le sucre dans sa tasse de café, se tourna vers son voisin. Tous les sourcils étaient haussés et les yeux avaient cette expression atone propre aux personnes qui, après un banquet, vont émettre une opinion. « C'est le même dîner ?»« Oui, le même. » Puis, après un soupir, une silence et une grimace méditative, « Le même, absolument. » Cependant, n'y avait-il pas quelque chose? Oh, oui, oui, il y avait quelque chose. Enfin, là, il est plus beau. Oui, c'est curieux. C'est le même, et cependant, il est plus beau. Ah, voilà qui est particulier. Mais en quoi était-il plus beau? Chacun se creusait inutilement la cervelle. On se croyait tout à coup le doigt sur le point précis qui légitimait cette impression indéfinissable de différence que chacun ressentait, et l'idée rebelle s'enfuyait comme une galatée qui ne voulait pas être vue. Puis on se sépara pour mûrir le problème plus librement, et depuis lors, toute la petite ville de D est en proie à l'incertitude la plus lamentable. C'est comme une fatalité. Personne ne peut éclaircir le mystère qui pèse encore aujourd'hui sur le festin victorieux de Maître le Castelier. Maître Percenoix, quelques jours après, étant plongé dans cette préoccupation, glissa dans son escalier et fit une chute dont il décéda. Le Castelier le pleura bien amèrement. Aujourd'hui, durant les longues soirées d'hiver, soit à la sous-préfecture, soit à la recette particulière, on parle, on devise, on se demande, on rêve, et le thème éternel est remis sur le tapis. On y renonce. On arrive bien, à un cheveu près, comme à l'aide d'une 168e décimale, puis l'X du rapport se recule indéfiniment entre ces deux affirmations à confondre l'esprit humain. Mais qui constitue le symbole de préférence indiscutable de la conscience publique sous la voûte des cieux. Le même est, cependant, plus beau.